c'est pas mal, c'est, je pense que c'est par là qu'il y a un problème de jonction entre les ronds et ça là. Oui, mais j'ai une machine électronique dans les mains, donc on ne touche pas avec la boue. C'est pas de la boue, ça.